الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون عباد الله كان الناس قبل مجيء الإسلام في ضلال مبين وتفرق عظيم في ظلمات الشرك والجهل والظلم يقتل بعضهم بعضا لا حرمة للدماء حتى أذن الله سبحانه وتعالى بالفرج ببعثة سيد ولد آدم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فجاءنا بهذا الدين الكامل الذي يحافظ على كل خير وينهى عن كل شر الذي يدعو إلى كل فضيلة وينهى عن كل رذيلة قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ألا واعلموا يا عباد الله أن من أعظم الجرائم وأكبر الكبائر التي حرمها الإسلام القتل وسفك الدماء ومن الضرورية الخمس حفظ الدين وحفظ النفس ولقد كثرت الأدلة الشرعية من النصوص القرآنية والسنة النبوية التي تبين لنا جريمة القتل وأن هذا الذنب من أكبر الكبائر كثرت النصوص الشرعية في بيان خطورة هذا الذنب وسوء عاقبة القاتل في الدنيا والآخرة عباد الله القتل من أكبر الكبائر حتى من قتل نفسه لا يجوز له ذلك فما ظنكم بمن قتل غيره قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما عباد الله من وقع في هذا الذنب نال الشقاوة وسوء العاقبة والآثار الوخيمة في الدنيا والآخرة قال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما هذه هي جريمة القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذا قال ربنا سبحانه وتعالى: قتل المؤمن من الكفر الأصغر من الكفر العملي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخرجه البخاري. هذه الآية العظيمة تزعزع القلوب، تزعزع القلوب، وتحذر من مال إلى الفتن من الوقوع في هذه الجريمة العظيمة، القتل. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى أن قال سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قرن الله سبحانه وتعالى في غير ما آية بين تحريم الشرك وبين القتل وسفك الدماء لعظمة هذا الذنب. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا. الحديث. فقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين تحريم الشرك الذي هو أكبر الكبائر والقتل. وأول من سن القتل أحد ابني آدم، لذا كل من قتل بعده نالته الخسارة، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، لقد أثنى الله سبحانه وتعالى على عباده الصالحين بصفة جليلة، وهي البعد من القتل. قال سبحانه وتعالى واصفا عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فالعبد الصالح يبتعد كل البعد عن القتل وأسبابه فالقتل محرم من أكبر الكبائر، والأسباب المفدية إلى القتل محرمة من أكبر الكبائر أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تلعن من رفع سلاحا إلى أخيه ولو لم يريد قتله، لعنته الملائكة. فأسباب القتل محرم. القتل من أكبر الكبائر. ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور. عباد الله، حرمة الدم المسلم عظيمة. عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعوا هذا الحديث العظيم الذي يبين لنا عظمة دم المسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. رواه النسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وصححه العلامة الألباني. حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه إلى الكعبة وقال: ما أعظم حرمتك والله لحرمة المسلم أعظم من حرمتك عند الله. ما أعظم حرمتك والله لحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك. أخرجه البخاري. وأخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن من قتل نفسا واحدا فكأنما قتل الناس جميعا. لذا قال مرة عثمان بن عفان لأبي هريرة رضي الله عنه في زمن الفتنة: يا أبا هريرة أتريد أن تقتل الناس جميعا؟ أتريد أن تقتل الناس جميعا وإياي؟ قال: لا. قال: لا. قال: فمن قتل مسلما واحدا فكأنما قتل الناس جميعا. هذا فهم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهؤلاء المتقاتلون من أبغض الناس إلى الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. وذكر منهم: مطلب دم امرئ بغير حق ليريق دمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما. رواه البخاري. أي لا يزال منتصرا من قبل الله، معينا من الله، هاديا من الله، فإذا سفك دما وكله الله إلى هواه، والعياذ بالله. أما حال القاتل يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس في الدماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من كان مشركا ومؤمن قتل مؤمنا متعمدا. رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي الدرداء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن علامات الساعة: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول: يا رب، المقتول يأتي يوم القيامة ويأخذ بيده يد القاتل ويقول: يا رب هذا قتلني، يا رب هذا قتلني. فيقول الله له: لما قتلت عبدي؟ لما قتلته؟ رب العزة والجبروت يتكلم يوم القيامة، يخاطب القاتل ويقول له: يا عبدي، لما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان. لا يستطيع الكذب يومئذ. فيقول الله له: إنما ليست لفلان. فيبوء بإثمه. وفي حديث آخر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده تتشخب دما ويقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. لا إله إلا الله. يا رب، سل هذا فيما قتلني. ثم الويل لمن سفك دما حراما، لمن قتل مسلما واحدا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المسلمين في كل مكان. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، avant l'avènement de l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait dans la péninsule arabique un égarement énorme. Il y avait une grande division. Les gens étaient divisés. Il y avait le polythéisme, l'injustice et l'ignorance. Ils se combattaient et versaient le sang sans raison et sans aucun droit. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa grande miséricorde, a décidé de faire se lever la lumière de la justice, du monothéisme, de la droiture et de la science, en envoyant la meilleure créature et le meilleur des fils d'Adam, les meilleurs des fils d'Adam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous est venu avec la guidée et la véritable religion. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Allah vous a certainement fait une grande grâce. Allah a certainement fait une grande grâce aux croyants lorsqu'il envoya parmi eux un messager qui est issu d'entre eux afin de leur réciter ces versets, de les purifier, de leur enseigner le livre ainsi que la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient dans un égarement évident. Sachez, chers frères, que cette religion avec laquelle nous est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une religion de miséricorde, une religion de droiture et de bienfaisance. Elle ordonne tout le bien et les nobles caractères, et elle condamne et interdit tous les maux et les mauvais comportements. Et parmi les plus mauvais comportements qui sont interdits dans notre religion, le meurtre. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le meurtre dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit dans sa sunnah. Quand bien même la personne voudrait se suicider elle-même, elle n'a pas le droit de sauter sa propre vie. Que dire alors de la vie d'un autre? Allah dit dans le Coran: et ne vous tuez pas vous-même, certes Allah est envers vous miséricordieux. Le meurtre fait partie des plus grands péchés. Le meurtre est un crime condamné par l'ensemble des livres qui ont été révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui assassine une personne aura à vivre une vie pleine de gêne dans ce bas monde. Il ne trouvera plus la quiétude, il ne trouvera plus la sécurité du cœur ni la tranquillité. Dans ce bas monde, il aura à vivre un châtiment. Et dans l'au-delà, le châtiment ne sera plus grand. Allah dit dans le Coran: quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment. L'imam, l'exégète du Coran, Ibn Sa'di rahimahullahu ta'ala, nous dit qu'il n'y a pas un péché où on a réuni ces sortes de châtiments. Il n'y a pas un péché par lequel Allah Azza wa Jal fut désobéi où on trouve ces quatre grands châtiments qui lui ont été prévus. La première chose, sa rétribution sera à l'enfer, avec ce que comprend l'enfer comme châtiment, comme feu. La deuxième chose, il y restera éternellement. Ou bien cela entre dans le premier point. Deuxièmement, Allah se met en colère contre lui. Et si le Seigneur des mondes, le Tout-Puissant, se met en colère contre toi, qui est-ce qui pourra venir t'accorder la tranquillité? Qui est-ce qui pourra te défendre contre le maître des mondes, subhanahu wa ta'ala, le puissant, le dominateur suprême? La troisième chose, il l'a maudit, il l'éloigne de sa miséricorde. La quatrième chose, il lui a préparé un énorme châtiment. Ceci est la rétribution de la personne qui aura enlevé l'âme d'une personne. Le fait d'assassiner un croyant fait partie de la petite mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le fait d'insulter un musulman est de la perversion. Insulter ton frère, c'est de la perversion. Afin que tu comprennes la place du musulman chez Allah Azza wa Jal. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et l'assassiner est une mécréance. Tu assassines un musulman, c'est une mécréance. Le verset qu'on a récité fait trembler le cœur du croyant et éloigne toute personne qui aurait dans ses pensées le fait d'assassiner et d'ôter la vie à une âme, à une personne. Allah nous dit dans le Coran, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire dans le Coran, dis, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos parents. Plus loin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne tuez pas l'âme qu'Allah a fait sacrée. Ne tuez pas l'âme qu'Allah a fait sacrée sans droit. On remarque ici, Allah subhanahu wa ta'ala a mis à côté du plus grand péché le polythéisme, le meurtre. Et cela dans plusieurs versets, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans plusieurs hadiths. Il a fait de même. Il nous dit, éloignez-vous des sept péchés qui causent la perte et la destruction du serviteur. Ils ont dit, lesquels au messager d'Allah? Il répondit, le polythéisme, la sorcellerie, le meurtre, le fait d'assassiner une âme sans droit, les intérêts, l'usure. Puis il a cité encore d'autres péchés. Et le premier qui a commis ce grand péché, le meurtre, est un des deux fils de Adam alayhi salam. Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la mauvaise fin ou bien les conséquences de son acte en nous disant il n'y a pas un meurtre qui sera commis après lui sans qu'il en prenne également les péchés. Car c'est lui qui a montré cette mauvaise tradition. Allah subhanahu wa ta'ala fit les éloges de ses serviteurs pieux dans le Coran par une qualité qui est noble. Cette qualité, c'est le fait de s'éloigner du meurtre. Les gens qui ne causent pas de tort, les gens qui ne font pas couler le sang, Allah Azza wa Jal a fait leurs éloges dans le Coran, dans la description des serviteurs du Tout Miséricordieux, en disant, ceux qui n'invoquent personne en dehors d'Allah, ceux qui n'invoquent aucune divinité en dehors d'Allah, ceux qui ne commettent pas le meurtre, ceux qui ne commettent pas le meurtre sans aucun droit, et qui ne commettent pas la fornication ni l'adultère, et celui qui fait cela rencontrera Allah avec son péché. Le meurtre est un des plus grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les plus grands péchés sont le polythéisme, le meurtre, la désobéissance envers les parents, et les mauvaises paroles, ou les mensonges et toutes mauvaises paroles. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné que l'âme du musulman a le caractère le plus sacré auprès de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est préférable chez Allah que tout ce bas monde disparaisse plutôt que de verser le sang d'un seul musulman. Subhanallah. C'est préférable chez Allah que tout ce bas monde disparaisse plutôt que d'assassiner une seule personne musulmane. Abdullah ibn Omar un jour a regardé la Kaaba et lui a dit, comme tu es sacré, comme ta place est grande, comme ta valeur est sacrée, mais wallah, le caractère sacré du musulman est encore plus grand que le tien. Le musulman est encore plus sacré que Al-Kaaba, Al-Musharrafa, et vous connaissez tous la valeur de Al-Kaaba qu'Allah a mis naturellement dans le cœur de chaque musulman. Allah nous informe dans le Coran que celui qui commet un meurtre, c'est comme s'il avait assassiné l'ensemble des gens. Et celui qui fait vivre une personne, c'est comme s'il avait fait vivre l'ensemble des gens. Mujahid rahimahullah ta'ala a dit, celui qui fait vivre les gens, c'est-à-dire qu'il n'assassine personne. Voici celui qui a fait vivre tout le monde. Et pour expliquer l'autre partie du verset, Uthman, radiallahu anhu, dans la grande épreuve par laquelle il a été éprouvé, durant cette grande épreuve, qu'il a réussi avec succès jusqu'à mourir martyr, radiallahu anhu, il a regardé son frère Abu Huraira, son compagnon Abu Huraira, le plus grand apporteur de hadith de la communauté, en lui disant, en lui adressant ces paroles, « Oh Abu Huraira, aimerais-tu assassiner l'ensemble des habitants de la terre, et moi parmi eux, et moi avec ?» Alors Abu Huraira s'est étonné, et lui a dit, « Non, je n'aimerais pas cela. » Alors Othman lui a dit, « Si tu assassines un seul musulman, si tu assassines un seul musulman, c'est comme si tu avais assassiné l'ensemble des gens. Si tu assassines un seul musulman, c'est comme si tu avais versé le sang de l'ensemble des gens. » Et cela alors que Othman avait été enfermé, avait été opprimé, et qu'il voulait l'assassiner, des gens injustes étaient venus pour l'assassiner. Alors Abu Huraira est venu rempli de courage et lui a dit, « Ya Amir al-Mu'minin, le temps n'est-il pas venu de lever les armes afin de repousser l'agression des injustes ?» Et Uthman radiallahu anhu s'est soumis à son destin et a voulu préserver le sang des musulmans. Il n'a pas voulu protéger son siège ni demander le pouvoir. Mais il a dit, « Ya Abu Huraira, est-ce que tu aimerais faire couler le sang de l'ensemble des gens ?» Il lui a dit non. Il lui a dit, « Sache que si tu fais couler le sang d'un seul musulman, c'est comme si tu avais fait couler le sang de l'ensemble des gens. » Voici la compréhension de Othman, radiallahu anhu. Et ceux qui s'entretuent de nos jours, que ce soit pour la drogue, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour le pouvoir, comme on voit dans certains pays, et il ne convient pas de s'asseoir en public et de parler de politique et de faire bouillonner le cœur des musulmans. Mais il faut leur faire le rappel et leur rappeler le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam en temps de trouble et ne pas attiser la haine des musulmans les uns envers les autres, comme certains prêcheurs du faux le font ou comme certains ignorants le font, que ce soit dans les mosquées, ou que ce soit en public, ou que ce soit dans les informations. Cela n'est pas le comportement des pieux prédécesseurs. Cela n'est pas le comportement de ceux qui veulent préserver la tranquillité des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi les trois qu'Allah déteste le plus, et il nous cite parmi eux, celui qui a la recherche d'un homme pour l'assassiner. Allah le déteste. Celui qui a l'intention d'assassiner une personne, qu'il sache qu'il fait partie de ceux qu'Allah Azza wa Jal déteste le plus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le croyant ne cesse d'avoir de la largesse dans sa religion tant qu'il ne fait pas couler de sang. Le croyant ne cesse d'avoir de la largesse dans sa religion tant qu'il ne fait pas couler du sang. Les savants ont expliqué ce hadith en disant, qu'Allah l'aide, qu'Allah le secourt, qu'Allah le guide, qu'Allah lui facilite le repentir. Mais s'il assassine une personne, s'il assassine une personne dont le sang est sacré, s'il assassine une personne sans aucun droit, ben Allah Azza wa Jalla l'abandonne. Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que parmi les signes de la fin du monde, que le carnage al-harj va se répandre. Ils ont dit, que signifie le carnage au messager d'Allah? Sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, le meurtre, un des signes de la fin des temps, le meurtre se répandra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la première chose qui sera jugée entre les gens le jour de la résurrection, les histoires de sang. La première chose qui sera jugée, les histoires de sang. Celui qui a assassiné une personne passera dans les premiers. Il sera interrogé par Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, tout péché, où on espère qu'Allah pardonne tout péché aux serviteurs, excepté deux choses. Celui qui rencontrera Allah avec du polythéisme et le croyant qui a assassiné un croyant. Et c'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. les musulmans s'entretuent, wal'iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, écoutez la situation du meurtrier yawm al-qiyamah. Dans ce bas monde, il a semé le trouble. Dans ce bas monde, il a peut-être rempli de crainte le cœur des gens, le cœur des innocents. Regardez sa situation, comment il sera humilié devant le Seigneur des mondes le jour de la résurrection. Le jour où il sera tout nu, non circoncis, debout devant le Seigneur des mondes et qu'il l'interrogera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'homme viendra le jour de la résurrection en tenant la main de l'autre homme. C'est-à-dire, celui qui a été assassiné viendra le jour de la résurrection en tenant dans sa main son meurtrier. En tenant par la main son meurtrier. Et il dira, ô Seigneur, voici mon assassin. Ô Seigneur, un tel m'a assassiné. Alors Allah lui dira, pourquoi est-ce que tu l'as assassiné? Pourquoi est-ce que tu l'as assassiné? Alors il répondra, afin que la puissance et la renommée reviennent à un tel. Je l'ai fait pour mon groupe. Je l'ai fait pour mon groupe. Je l'ai fait pour mon parti. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, la puissance ne revient pas à un tel, elle me revient à moi. Et on lui donnera son péché et sa rétribution. Dans un autre hadith, encore plus effrayant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui s'est fait assassiner viendra le jour de la résurrection en tenant dans sa main la tête de son assassin. Subhanallah. Il arrive le jour de la résurrection devant tout le monde. En tenant dans sa main la tête de son meurtrier. En le prenant par le front, le début de la tête, et la tête. Et sa tête sera remplie de sang. Le sang coulera et il le tiendra par la tête. En disant, ô Seigneur, demande-lui pourquoi est-ce qu'il m'a assassiné. Comment est-ce que tu vas répondre à cette question si tu tombes dans ce péché? Ô Seigneur, demande-lui pourquoi est-ce qu'il m'a assassiné. Et ô Seigneur, demande-lui pourquoi est-ce qu'il m'a assassiné. Et Allah Azza wa Jal le laissera se rapprocher jusqu'à arriver proche du trône. Subhanallah. Voici la situation le jour du jugement dernier de ceux qui ont assassiné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dirait également que la personne arrivera avec des montagnes de hasanat, mais elle a opprimé un tel, elle a fait couler le sang d'un tel, elle a pris l'argent d'un tel. Alors Allah Azza wa Jal leur donnera la permission de se servir en hasanat. Ils vont lui prendre ses hasanat jusqu'à ce qu'ils tombent dans le feu de l'enfer. Wal'iyadu billah. Et nombreux sont les ahadiths qui montrent la gravité de ce péché. Que les musulmans délaissent ce péché. Qu'ils reviennent à Allah Azza wa Jal, même l'opprimé. Qu'ils sachent qu'il a le secours d'Allah Azza wa Jal. Qu'ils sachent qu'il a le secours d'Allah Azza wa Jal et qu'il n'opprime personne lui à son tour. Le meurtre est un des plus grands péchés. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de préserver le sang des musulmans, que ce soit en Syrie, que ce soit en Égypte, et que ce soit où que ce soit sur l'ensemble de sa terre, subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala li Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala li Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala li Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma ihfaz dima' al muslimin. Allahumma ihfaz dima' al muslimin. Allahumma aslih wulat al muslimin. Allahumma ihdi wulat al muslimin. Allahumma aslih wulat al muslimin. Allahumma ishfi mardana wa marda al muslimin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أقم الصلاة